Quand vous avez l'air maintenant de si bien maîtriser l'impératif, hein, qui permet de donner des ordres, je suis tenté de passer à autre chose. Donc, nous allons passer au subjonctif. Les subjonctifs et l'impératif sont étroitement liés, comme nous allons le voir. Mais je voudrais d'abord expliquer ce dont nous parlons quand nous parlons de subjonctif. Quand vous dites par exemple en français « Je veux que vous soyez là », qu'est-ce que c'est que « soyez » ? Un subjonctif ? Oui, c'est ça. Hein? On ne dit pas « Je veux que vous êtes là », mais « Je veux que vous soyez là ». Hein? C'est du subjonctif. Un autre exemple. Si vous voulez dire « Il doit y aller », vous pouvez aussi dire « Il faut » qu'il y aille. Voilà, c'est ça. Qu'il y aille et non, il faut qu'il y va. Hein? Et il est possible qu'elle ne vienne pas. Et non, qu'elle ne vient pas. Oui, tout à fait. Hein? Il est possible qu'elle ne vienne pas. Et non, il est possible qu'elle ne vient pas. Dans toutes ces phrases que je viens de vous donner un exemple, on emploie le subjonctif à la fois en français et en espagnol. Mais sachez que le subjonctif est beaucoup plus courant en espagnol qu'en français. Enfin, l'important, c'est de savoir l'utiliser. Mais revenons à nos exemples. Que vous soyez, qu'il y aille, qu'elle ne vienne pas, on utilise ici les subjonctifs, hein, comme en français, parce que ces verbes sont précédés de « je veux que », « il est important que », « il est possible que », etc. C'est-à-dire qu'on exprime ici non pas des réalités objectives telles que « vous êtes là »,« j'y suis allé », »,« elle ne viendra pas », hein, non. Ici, on exprime quelque chose de subjectif. Le mot « subjonctif » vient d'ailleurs de « là ». On exprime un souhait. « Je veux que ». Une opinion. « Il est important que ». Une hypothèse. « Il est possible que ». Quand vous dites par exemple « Il est important qu'il y aille », qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous exprimez ? Que je pense que c'est important ? C'est ça. Hein? Vous exprimez une opinion. Vous, hein, vous considérez que c'est important. Mais peut-être de l'avis de quelqu'un d'autre, ça ne l'est pas. Est-ce que c'est clair ? Oui, oui. Alors, comme je le disais un peu plus tôt, le subjonctif et l'impératif sont étroitement liés. Pour donner un ordre, donc à l'impératif, c'est comme au présent. On insiste sur l'avant-dernière syllabe. Eh bien, c'est la même chose au subjonctif. Et, comme à l'impératif, dans la plupart des cas, il suffit d'intervertir les sons clés « a » et « et » du présent, qui deviennent donc « et » et « a » au subjonctif. Et dans les cas des verbes « go-go », remplacez « go » par « ga ». Mais à la différence de l'impératif, vous n'avez pas à vous dire « ah, c'est le tutoiement, alors je ne dois pas intervertir les sons clés ». Ou, dans les cas des verbes « go-go », je ne dois pas utiliser le « go ». Non, vous n'avez pas à vous en soucier. Au subjonctif, toutes ces spécificités disparaissent car à toutes les formes, à toutes les personnes, les sons clés « a » et « et » sont intervertis pour devenir « et » et « a ». Et les verbes « go-go » deviennent « gaga ». Alors, essayons. Il est important qu'il m'appelle. Es importante. Impor. Hein, je voudrais entendre plus nettement la syllabe accentuée. Oui. Es importante. Es importante. Hein? Es importante. Es importante. D'accord. Qu'il m'appelle. Que me... Et là, on part du verbe llamar. Ah. Que me llame. Llame. D'accord. Es importante que me llame. Mais il y a une autre bonne nouvelle pour le subjonctif. C'est qu'il n'y a pas de O final pour la forme avec je. Donc, que llame peut vouloir dire que j'appelle, que vous, usted, appeliez, qu'il appelle, qu'elle appelle. Et à partir de là, on obtient les autres formes. Qu'il ou elle, au pluriel, appelle, que vous, ustedes, appeliez, hein, que llamen, que tu appelles que llames. Alors maintenant, si vous voulez dire il est important que vous, usted, m'appeliez. Es importante que. Es importante que, oui, que vous m'appeliez. Que me llame. Bien, que me llame. Hein? C'est un verbe en ar, donc on passe du son clé a au son clé e. Que me llame. Es importante que me llame. Il est important que vous m'appeliez. Usted. Hein? Et si vous dites la même chose à ustedes, ça sera es importante que. Que me llamen. Encore une fois. Llamen. D'accord. Es importante que me llamen. Et il est important que tu m'appelles aujourd'hui. Es importante que me llames. D'accord. Es importante que me llames. Aujourd'hui. Hoy. Oui, hoy, hein, c'est ça. Es importante que me llames. Hein, avec le S final du tu. Il n'est pas nécessaire que vous m'attendiez. Vous vous adressez à usted. No es necesario que quede. Attendre, hein, que vous m'attendiez, c'est du verbe esperar. Que me espere. Que me espere. No es necesario que me espere. C'est ça.